soit clair. Si rap c'est un pour la rue, pour la rue, deux et trois pour la maille d'affaires. Ça passe en silence, seul face à ma feuille blanche. Le beat, j'ai le voici dans le micro. Ça passe en silence, quand je suis seul face à ma feuille blanche. Ça passe en silence, seul face à ma feuille blanche. Le beat, j'ai le voici dans le micro. Ça passe en silence. Fini de jouer maintenant. Ça se passe en silence. Seul face à ma feuille.